l'accompagnement qu'on pouvait avoir. Donc on a tout misé là-dessus. Tout misé là-dessus, et donc avec force, hein, faire brûler des bobines. On a fait une manifestation du 1er mai, la manifestation du 1er mai 2007, il faut récupérer les archives sur TF1, on a filmé notre cortège à nous, parce qu'on était, on était présents, quoi. On a fait des choses qui montraient notre détermination, quoi. Voilà, quoi. On avait notamment un slogan qui était inventé par le collectif, quoi. Je me souviens, il y avait quelques-uns qui étaient très fortiches sur la question. Ils disaient, ils sont passés par nous, ils repasseront par vous. En disant, méfiez-vous, en fait, voilà ce qui nous arrive. Nous, on est licenciés, on ferme notre usine, mais c'est pas fini. L'affaire va continuer avec vous. Et si vous ne faites pas attention, si vous ne vous mettez pas en ordre de bataille, ils vont passer là-dessus et vous allez être licenciés comme nous. C'était ça, quoi. Et on était dans on touchait à beaucoup de choses, quoi, à une politique aussi régionale, quoi, qui était par exemple, quelle était la politique régionale de l'imprimerie, de l'industrie graphique? Qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi on ne s'asseyait pas autour d'une table avec les différents acteurs, patrons, conseil régional, État, sur la politique régionale de l'industrie graphique? Pourquoi on ne s'asseyait pas? Pourquoi? Parce que quoi? C'était tout ça, quoi, qui était. Et chacun de nous, des ouvriers qui en lutte, chacun de nous avait un petit peu d'un peu tout ça, quoi, en tête, quoi. Il avait sa propre, comment dire, qu'est-ce que je vais devenir, évidemment, quoi. Mais qu'est-ce que je vais devenir, ça dépendait aussi de. C'était bien lié, quoi. Que si on mettait pas on plaçait pas l'affaire un peu plus haut, on n'aurait rien, quoi. Et on ne va pas avoir fait pour ça, pour tout ça, pour que dalle, quoi. Alors, donc, ça, chacun produisait quand même vraiment pour avancer, quoi, pour se dire, moi, je veux une suite. Alors, donc, la suite, ça a été l'obtention d'une prime, l'obtention d'un PSE qui, quand même, comportait quand même un volet d'accompagnement qui était... sommes toutes pas mal pour 2007. Après, si admettons on avait été dans la période Conti, je crois que on faisait mieux, peut-être, on faisait mieux que, quoi. Je pense qu'on aurait poussé le bouchon encore plus loin, peut-être. Voilà, quoi. Mais on était en 2007, hein. Conti, c'est plus tard, hein. Les fermetures d'usines à l'appel, là, qui vendent de Conti, Molex, Fidel, je sais pas quoi, enfin bref, toutes ces boîtes-là, là, c'est plus tard. Nous, on était, on a démarré en 2006, on a terminé en 2007, mais y en a beaucoup qui se souviennent de ce qui s'est passé, là-bas, quoi. Donc les gars, ils ont pris leur avenir en main, en fin de compte. Voilà, on a pris notre avenir en main, de manière démocratique, tant faire se peut, hein, c'est-à-dire que bon. On s'en est coltiné des réunions avec un comité de soutien quand même, hein, d'organisations syndicales et politiques, très bien, quoi. On a fait un truc qui avait de la gueule, quoi, et qui a donné aussi à voir à tous les collègues qui n'étaient pas militants, quoi, qui a permis de rencontrer tout un tas de gens. C'était formidable, quoi. C'était une expérience riche, quoi. Le théâtre dans personne, il y avait des gens. J'avais été au théâtre. Les groupes de musique. Alors là, voir un truc de musique comme ça dans l'usine, on avait fabriqué une scène avec des gradins. On faisait venir le réalisateur du film Leap, Christian Jouot. Il est venu en personne. Les mecs, ils n'avaient jamais vu un réalisateur de leur vie. C'est formidable, quoi. C'est formidable. Voilà, quoi. Tout ça a provoqué ce que devrait être la vie de tous les jours, c'est-à-dire beaucoup de solidarité, beaucoup de discussions, beaucoup d'interrogations. On n'a pas forcément les réponses, mais bon, à nous aussi d'aller les chercher, à nous aussi de ne pas trop se murer, d'écouter l'autre, parce que, ah oui, il n'est pas si comme ça, en fin de compte. Voilà. Quelque chose de très, très, très fort, quoi. Et ce truc, justement, très fort qui vous unit à ce moment-là, je pense que ça rejoint quelque chose que tu disais tout à l'heure, fait qu'à un moment, bon, chacun se pose la question individuellement de bon, qu'est-ce que je vais faire après, mais l'idée de l'association de salariés apparaît un peu comme une évidence à ce moment-là. Comment ça se passe, cette idée de l'après et l'idée de, bon, ce ne sera pas la débandade, chacun ne va pas partir dans son coin, on va essayer de construire un après ensemble. Comment ça se passe? Ça se passe que, bon, effectivement, quand on se quitte, quand il y a le dernier jour qui arrive, on se dit qu'on avait préparé quand même, hein, on avait fait une fête déjà, ou une fête dans l'usine, où on avait fermé les portes à l'extérieur. C'était que nous qui faisions la fête, et rien que nous, et personne de l'extérieur. Et là, bon, on a fait la fête dans l'usine. Voilà quoi. On a fait très fort, mais bon, voilà, c'était comme ça. Et on s'est vite dit qu'on ne pouvait pas se quitter comme ça, quoi. Que la solution, c'était peut-être de créer justement une association. Donc on a créé une association qui s'appelle l'Association des salariés sacrifiés de JDC. Quand on a dit qu'on allait créer une association qui s'appelait comme ça, on nous a dit oh, « c'est pas possible, ça ne peut pas s'appeler comme ça ». C'est la vérité. Pour nous, c'est la vérité. On a été sacrifiés, là. Sacrifiés sur l'autel des profits, ça. Sacrifiés sur ça, quoi. Sur cette économie qui est du fric, quoi. Hein. Voilà, quoi. Donc, on a décidé de se revoir parce que nous, on avait tous ces liens forts. Et puis, en même temps, on devait continuer à suivre le PSE. C'est-à-dire qu'on avait constitué un groupe qui avait des réunions tous les mois pour suivre la cellule de reclassement et les versements de l'argent qui était dû aux salariés, quoi. Et donc, il fallait rendre compte, et on a rendu compte dans l'association. Et tout ça aussi, c'était aussi montrer que bon, la solidarité qu'on a connue entre nous, on la pouvait la poursuivre, mais la poursuivre aussi assez concrètement, c'est-à-dire que bon, il y avait des salariés qui ont été en difficulté financière, on les a aidés, ou alors on les a aidés à trouver une formation, à trouver des choses comme ça, quoi, voilà, à donner des conseils. Et on a monté justement à un moment donné, donc avec le CLAM, on a monté aussi une formation, un accompagnement permettant à des salariés de retrouver du travail. Donc il y en a une bonne centaine, entre 100 et 150, qui sont actifs dans l'occupation de l'usine à peu près. Hein. Une centaine. Une centaine. Et alors il y en a combien qui sont dans l'association là-dessus à peu près, pour avoir une idée de... On était... Je crois qu'on a été à 80, je crois, à l'association. 80, 85 peut-être. Maintenant, on est à entre 40 et 50. Quoi. Voilà. Parce que les gens ont disparu, alors, comme ça hein. Parce que chacun mène sa vie maintenant, ne trouve pas l'intérêt forcément dans l'association en tant que telle. C'est-à-dire que, bon, la lutte qu'on avait auparavant... avec un objectif bien clair, bon, et maintenant c'est dilué un petit peu, certains sont restés, avec une conscience qu'ils mettent en œuvre, soit en étant syndiqués, ou soit en étant l'association, et puis en essayant de faire profiter de tout le monde, mais bon, il y en a beaucoup qui... Tout ça s'est redescendu, quoi, la conscience est redescendue, quoi. Mais ça reste sûrement, et ça y a pas, ça reste un moment, c'est une rupture, quoi. Hein, c'est non, je sais pas quoi, dans une vie, nous on a, enfin dans une vie, on se connaissait comme tout à l'heure tu me disais, c'est chacun avait 20 ans, on se connaissait depuis 20 ans, certains depuis 30 ans. Donc c'est quasiment une vie professionnelle, quoi. Dans ce je sais plus ce que je voulais dire. Dans cette vie-là, c'est l'interrompre par une rupture telle que la fermeture d'une usine, c'est quoi? C'est un volcan qui explose, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas maîtrisable, quoi. Quand on était dans l'usine et qu'on venait nous voir, quand il y avait quelqu'un qui poussait la porte, qui disait « Bon, je viens vous voir, je vous donne 10 euros », ou alors « Comment ça va ?» tout simplement, une parole, quoi. C'était quelque chose de... moi, j'en suis encore ému, sans déconner. C'est quelque chose de fort, quoi. C'est des gens qui s'aperçoivent que sans les autres, on n'est que dalle, quoi. Et que, bon, on n'est pas tout seul en même temps, quoi. On est capable de... Enfin, toi, c'est un échange qui se fait, et c'est vital, c'est la meilleure manière de respirer, quoi. Et donc, on pouvait, avec cette association-là, reproduire la même chose. C'est-à-dire que, bon, moi, je suis allé voir les Conti, par exemple. Bon, moi, je suis militant, c'est pas pareil, mais bon, j'ai demandé à des potes de venir avec moi, mais aller voir les Conti, j'ai accompagné les gars de chez Renault, Citroën, on a été voir Citroën aussi, j'ai oublié de le dire, mais bon. Donc, que les gars, quoi, on vit la même chose, quoi. Donc c'est là, on est au cœur de ton sujet, donc là, tu mets la mémoire que tu as de ton conflit au service de nouveaux conflits. Voilà, exactement, mais absolument, quoi. Moi, ce que je déplore, c'est que dans cette association-là, c'est pas la motivation, elle est plus sur se retrouver, boire un coup, manger, faire une fête, plutôt que d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur et donc en résonance de ce qu'on a vécu pour apporter. On a été à Grand Puy, apporter de l'argent. Là, il y a eu un conflit dernièrement à SPPS dans la distribution des livres. On a apporté aussi de l'argent. On va aller voir, on va discuter. Voilà, quoi. Toi, tu souhaiterais être plus tourné, effectivement, vers l'avenir au service d'autres de luttes futures. Vous vous retrouvez pour manger. Mais est-ce que là vous êtes complètement dans le présent, c'est-à-dire vous essayez de nouvelles, toi qu'est-ce que tu es devenu, etc., qu'est-ce que tu fais, ou est-ce que vous avez une espèce de retour sur le passé, ben voilà, on aurait pu faire ça, vous évoquez... Il y a les deux, qu'est-ce qu'on devient chacun, comment on se débrouille chacun. Retour sur le passé, le présent. Et puis, il y a toujours un passage sur, ouais, tu te souviens, et puis tu as vu ce qu'on avait fait, quand on regarde... L'image est souvent ça aussi, moi j'entends, c'est que, par exemple, il y a les conflits continentaux, hein, genre conflit, et on juge, on a tendance à juger par rapport à ce qu'on a fait aussi, nous. Voilà, quoi. Et ils disent, ouais, en fin de compte, ils font tous la même chose, quoi. Et oui, on fait tous la même chose, parce qu'on en est rendu là, quoi. On en est rendu là. Nous, avec ce qu'on a fait... On aurait pu penser que ça, les conflits allaient aller plus loin. Parce qu'on a essayé, nous, de se joindre à Citroën, par exemple, pour essayer de converger, quoi. On a essayé de se joindre avec, je ne me souviens plus, il y avait eu un câble numérique qui licenciait. On a essayé de se joindre, ça n'a pas marché. Enfin bref, on a essayé d'être porteur aussi, d'une solidarité et d'une convergence de lutte. Bon... On aurait pu penser que, fort de notre expérience à nous, d'autres vraiment s'y mettent sur cette question-là, quoi, qui est une question absolument essentielle, quoi, qui fait qu'on gagne ou qu'on perd, en fin de compte, et qu'on a perdu, quoi. Parce que, bon, on a bien vu, nous, dans notre conflit, que, par exemple, les directions syndicales, on peut les secouer aussi, quoi. On avait un truc, nous, c'était pas blablabla, c'était des résultats, quoi. Voilà, quoi. On a rien secoué on voulait quelque chose de très concret, quoi. On pensait qu'ils allaient se servir de ça. Et ça, on en cause. Ça, on en cause toujours. Ça, c'est quelque chose de commun, ça. Oui, c'est là aussi qu'on voit la particularité de sa position de militant à l'intérieur dans l'association. C'est que dans ce que tu expliques sur ce que vous faites quand vous voyez, etc., c'est que finalement, les collègues, d'ailleurs, c'est le temps. Alors, peut-être pas dans l'entretien, mais tu en parlais tout à l'heure en disant les collègues, c'est pas les anciens collègues, c'est les collègues. Vous partagez un moment qui ressemble à des moments que vous pouviez partager quand vous bossiez ensemble, c'est-à-dire de manger ensemble ou pendant l'occupation de l'usine. Alors que toi, tu aimerais bien plus tourner vers l'extérieur, vers continuer la lutte, pouvoir apporter notre expérience de la lutte à d'autres mouvements. Pour la plupart de tes collègues, c'est surtout aussi un moment de se retrouver un peu comme avant, de pouvoir en discuter, d'être ensemble, etc. Non? Oui. Il n'y a pas cette différence, parce que c'est là qu'on arrive aussi à une position de... pour toi, qui est ta position particulière, de qu'est-ce que c'est aussi qu'être un militant de la mémoire? En quoi cette mémoire, toi, t'aimerais bien la mobiliser en dehors du simple cadre des collègues et de pouvoir t'en servir autour? La question de cette mémoire, mais elle est particulière, la mémoire que moi je transporte, elle est particulière, c'est une mémoire révolutionnaire, c'est pas une mémoire pour la mémoire. Moi, 36, par exemple, c'est des ouvriers qui se sont mis en branle, malgré les directions syndicales. C'est les directions syndicales qui ont flanché et c'est un gouvernement qui se met en place parce que les ouvriers ont été jusqu'au bout. Ce n'est pas la volonté des organisations syndicales de fomenter une lutte et d'organiser une lutte de cette ampleur-là. Pas du tout. Moi, j'ai cette notion-là en tête. Je suis militant trotskiste, je le répète. Je ne sais pas comment m'en dépêtrer, mais voilà, moi j'ai à cœur de tous les jours, surtout dans la lutte qu'on a menée, par exemple, de faire le petit pas qu'il faut avec mes collègues qui n'ont pas la même conscience et qui n'ont, mais par contre, on peut les mettre de mettre le pied à l'étrier, de fait. Voilà. On aurait été complètement, on ne prenait pas de décision, on avait en fin de compte, on était un petit groupe qui essayons de penser quoi, hein, sur la lutte. Ce groupe-là, il était légitime dans le sens où que personne ne l'a jamais contesté quoi, et chacun pouvait venir donc. Accompagner ce groupe-là avec ses idées et ainsi de suite. C'était ouvert, évidemment, et tout ça, quoi. On demandait qu'on n'allait pas refaire une assemblée générale, mais si, admettons, on était 10, ça allait, c'était très bien, quoi. Et donc, c'était ouvert. Cette façon de fabriquer, cette façon de faire les choses, c'est resté maintenant. Je crois que, les camarades qui vont se retrouver maintenant dans une lutte, ils ne vont pas accepter que le dirigeant syndical dise c'est comme ça et c'est pas autrement, quoi. Voilà, quoi. Ils vont demander de discuter, ils vont demander de voir, ils vont demander, et moi, j'ai rien à dire dans tout ça, quoi. Ça, c'est ça. Et puis, il faut dire aussi les choses, on est dans un contexte où, cette histoire d'association, là, ça pourrait nous... Oui, ça aurait pu être l'occasion... de contacter d'autres, les anciens de Conti, ou de chez Molex, ou de chez Machin, quoi... pour pouvoir créer cette... Mais bon, il n'y a rien, on est loin, on est pas... Pourquoi parce que c'est pas dans... On n'est pas dans... On est dans une... Regarde, les chômeurs, les précaires, les licenciés, hein, et c'est pas une tradition d'être organisé, quoi. On est... très vite individualisé quoi, et ça c'est difficile de mettre en œuvre des gens qui n'ont plus cette ce lien social qui est le travail quoi. La mémoire, moi je pense que cette mémoire elle est importante dans le sens où c'est pas la mémoire pour la mémoire quoi, mais c'est la mémoire pour fabriquer quoi, c'est la mémoire qui transmet quoi, c'est la transmission quoi, c'est comme l'ouvrier qui apprend. Nous par exemple dans l'imprimerie, nous c'était la transmission quoi. On a pris notre métier par la transmission.